Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. On va faire la chronique avec Pascal Jobin de la NBA. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, j'ai parlé avec pour une deuxième fois. Tu avais parlé avec moi au mois de décembre, mais j'ai rejoint Charles-Olivier Bret pour parler un peu des Raptors. Tu sais, il est encore à Toronto, il est dans l'organisation des Raptors 905. Et c'est encore pas mal intéressant pareil. Le gars est plus vraiment dans l'organisation. Il est vraiment en vacances. Par contre, il prend des notes, puis ça peut faire de lui un meilleur entraîneur, hein? Absolument, c'est toujours. Tu sais, Danny, le sport, c'est 24 heures sur 7, là, je veux dire, on n'arrête jamais. Oui, effectivement. Bon, hier, j'ai pas pris le match hier, j'étais allé voir Mark Griffin au Saguenay. Toronto, Philadelphie, mais je pense de la manière que j'ai pu voir, encore une fois, les 76ers ont dominé complètement les Raptors dans ce match-là. Ben, je dirais que le match d'hier, Danny, encore plus que les deux premiers. Joel Embiid a vraiment mis son empreinte, si je peux dire ça, dans ce match, au niveau un peu défensif, mais beaucoup offensif, mais au niveau d'énergie. Quand Joel Embiid est en santé, parce qu'on parlait de son genou, il était un petit peu malade de match numéro 1, le match numéro 2, là. Mais quand tu prends un joueur comme Joel Embiid, avec ses habiletés, son tir de 3 points, puis aussi, Dans l'histoire de la NBA, en général, les centres, les grands centres, sont pas bons au lancer franc. Hier, il a fini 12 en 13 du lancer franc. Juste pour donner une idée. Il a réussi quelques 3 points, des dunks spectaculaires, mais si Joel Embiid joue de cette façon, honnêtement, Danny, je donne même pas une autre victoire à Toronto. Et monsieur, t'as tant que ça? Tant que ça. OK, parce que Serge Ibaka. Ouais. Serge Ibaka, Marc Gasol, ils n'ont absolument rien fait. Ouais, c'est pathétique. C'est pathétique. Et de l'autre côté, le Kawhi Leonard est tout seul en ce moment. Kawhi Leonard, 45 points, 35 points ou 37. Après, hier, il a fini avec 31. Mais il est tout seul. Là. Danny Green ne fait pas grand-chose. Kyle Lowry, où est Kyle Lowry? Mais écoute, dis-moi, dans ce match-là, par contre, en première demi, ça a bien été pareil. Là, en première demi, dans le deuxième match, c'était vraiment une domination des 76ers. Par la suite, c'était un peu mieux, mais le mal avait tellement été fait. Oui, t'as raison. Mais tu sais, hier, je regardais le match, puis on sentait juste... Mon feeling, c'était, OK, Toronto, là, faut que Ibaka, faut que Gasol, faut que quelqu'un d'autre que Kawhi Leonard fasse quelque chose. Je trouvais que c'était difficile. Puis je trouvais que les Sixers, il y avait le momentum du début à la fin. Le pace du match, je sais pas comment dire ça en français, là. Le ton du match était vraiment avantage Philadelphie. Puis après ça, ben je pense qu'ils ont même monté ça à 26-27 points. Donc, écoute, c'est un match extrêmement important qui va se passer dimanche à 15h30 à Philadelphie. Les Raptors doivent absolument aller chercher une à Philadelphie. On savait que ça allait être une série extrêmement longue. Moi, j'avais dit les Raptors en 7, mais là, on va le savoir davantage. On va en savoir davantage dans le prochain match. Là. Mais quand tu dis un match, tout le monde s'attend à ce que Boston, Milwaukee, puis Philadelphie, Toronto soient probablement en cette match parce que on sait pas vraiment de ces quatre équipes. C'est pas comme Cleveland dans les dernières années qui quasiment mettent leur nom sur le trophée de champion de l'Est. Là. Mais tu sais, le match numéro 2 à Toronto, ça a fait mal à Toronto. Tu dois toujours protéger la maison. Et Toronto a perdu l'avantage du terrain en perdant ce match-là. Maintenant, Toronto doit aller récupérer. Donc, le match numéro 4, si Toronto perd, je m'excuse, mais ils n'auront pas gagné la série. Si Toronto gagne, là, ça revient à donner un avantage à Toronto, une possibilité. Mais s'ils perdent à Philadelphie dimanche, cette année, on va se retrouver 3-1. Il faut que Toronto gagne les trois matchs suivants pour gagner la série. Ça va être très, très difficile. Les Bucks contre les Celtics. Ben, on a vu, tout le monde disait que les Bucks étaient finis après le premier match qu'ils ont perdu chez eux. Boston est arrivé à Milwaukee, puis que ce soit Al Horford, Kyrie Irving, Tatum, Brown, écoute, tout un match. Puis Milwaukee ont dit, oh, pas de stress, on a juste pas bien joué, on était un petit peu nerveux. C'est la première fois depuis, je pense, 2002 ou 2003 qu'ils se retrouvent dans un match de deuxième round, une série de deuxième round. Ils ont dominé match numéro 2 à Milwaukee. Ça va être une série très difficile. Ça risque de se rendre à 7 matchs. Mais les Bucks ont dominé les Celtics. Kyrie Irving a fini avec 9 points. Hey, monsieur. OK. 9 points en match numéro 2. Tout le monde disait, ah, ben Yanis, il s'est réajusté, on s'est replacé. Ça va être une série très, très, très intéressante. Je m'attends, Boston sont durs à battre chez eux. N'importe quelle année, Danny, même si c'est bon, non, c'est un peu comme les Canadiens de Montréal. Gagner à Montréal, c'est jamais facile. Boston, là, c'est pas facile de gagner à Boston. Mais la façon que Milwaukee a joué match numéro 2, ils ont dominé complètement. Là, ça a fini 126 à... Je ne sais plus combien, mais il n'y avait pas de match. Là. Et donc, Boston doit se réajuster. Mais je dirais que si je prends les deux matchs, même s'ils ont perdu le premier match à domicile, Milwaukee, je mettrais un petit avantage au Bucks en ce moment. Parce qu'ils ont quand même... Tout ce qu'ils ont à faire, c'est gagner un des deux matchs à Boston pour reprendre l'avantage du terrain. OK. Et moi, j'avais dit que moi, j'ai favorisé les Celtics en 7 dans ce match-là, donc dans cette série-là. Ça peut arriver aussi, ça peut arriver comme d'un bord comme de l'autre. Absolument. Dans l'autre série maintenant, les Rockets de Houston mènent 2-0, perdent 2-0 contre Golden State. Ça n'a pas été facile, là, les Warriors contre les Clippers. Ça, c'est un petit peu surprenant, 2-0, hein? Ben, c'est un peu surprenant. Beaucoup de gens vont dire que le match numéro 1 a été gagné par les Warriors selon l'arbitrage. Okay? Mais le match numéro 2, aucun commentaire sur l'arbitrage. Aucun commentaire. Et les Warriors, écoute, ils sont trop bons. Ils s'endorment dans les matchs. Même match numéro 2, je pense qu'ils venaient par 16. On a ramené ça à 3 points. Ils ont ramené ça. T'sais. Écoute, c'est trop. Puis en ce moment, Curry, Durant, Thompson, Iguodala, Draymond Green, c'est le meilleur 5. L'impression de Cousins, ça n'a pas trop paru, hein? Pas vraiment. OK. Donc, c'est là que quand on a de la profondeur, c'est ça qui fait la différence. Mais quand ces 5 joueurs-là sont sur le terrain, il n'y a aucune équipe dans la NBA qui peut battre ce 5-là. Ouais. 5 contre 5. Aucune équipe. Sauf que... Iguodala, il est rendu à 19 dunks dans les séries. Il est numéro 1 dans la NBA dans les dunks. Pense-y. Ouais. Et Draymond Green, c'est le Draymond Green joueur étoile. Lui, il n'a pas disparu. Parce que Draymond Green, il a 2 saisons. Les 82 matchs, puis les 16 matchs à gagner pour être champion NBA. Il dit là, je suis prêt à jouer les 16 matchs. Et c'est comme ça que les Warriors voient une saison NBA. OK. L'autre série dans l'Ouest, les Nuggets contre San Antonio, c'est 1-1 dans cette série-là. C'est 1-1. Portland a réussi à aller chercher un match à Denver. Oui. Ça m'a surpris un petit peu. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que Damien Lillard a fini seulement 14 points dans le match. Okay. Et ça veut dire qu'on a eu une bonne performance globale de Trailblazers. Écoute, Portland est capable de gagner cette série-là. Ils se sont retrouvés en finale NBA. Faut pas oublier qu'ils ont quand même fini 3e. Est-ce qu'ils pourraient chauffer Golden State? Je pense pas. Non, hein? La seule équipe dans l'Ouest qui peut chauffer Golden State, c'est pour les Clippers. Les Clippers ont juste très bien joué. C'était Houston. Et Houston, moi, je serais pas surpris qu'ils perdent les deux prochains matchs pour que la série soit finie. OK. Ça va aller aussi vite que ça en 4. Ah ouais. OK. Pascal, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine pour le retour de la NBA, évidemment, la chronique NBA. Absolument. Puis peut-être qu'on va pouvoir parler du nouveau coach des Lakers. On sait pas encore c'est qui, mais... Ben là, il y en a un qui vient d'être nommé, là. Avec les... Il y en a un qui vient de nommer chez les Celtics, chez les Suns de Phoenix. C'est qui qu'on a engagé? C'est ESPN qui vient de l'annoncer. C'est l'adjoint des 76ers de Philadelphie. Je vais te dire ça dans Morris. Morris qui deviendrait le... c'est Monty Williams, pardon, qui deviendrait le nouvel entraîneur-chef des Suns de Phoenix, selon ESPN. La rumeur était entre Tyronn Lue et Monty Williams pour les Lakers, mais entre nous deux, c'est Tyronn Lue qui va être engagé d'ici une semaine. Mais Lue, quoi? Tyronn Lue, écoute, c'est le pendant à LeBron, c'est la marionnette à LeBron. Je dirais pas la marionnette, c'est un très bon entraîneur. Ouais. Oui, il a joué contre Jordan, contre Iverson, il a joué pour les Lakers, il a joué pour Phil Jackson. Ce gars-là, il sait quoi il fait, qu'est-ce qu'il fait. Il a peut-être pas la renommée de certains autres entraîneurs de longue date, mais c'est un très bon... Écoute, je pense qu'il a 45 ans, là, c'est un très bon jeune joueur. Il a de l'expérience. C'est sûr que n'importe qui entraîne LeBron, que ce soit Eric Spoelstra ou Tyronn Lue, on va donner le crédit à LeBron, tu sais. Mais t'en es LeBron à Los Angeles, Danny. Il reste 3 ans de contrat. Tu vas emmener un coach qui fit bien LeBron James. C'est clair. Disons la vérité. C'est clair. Absolument. C'est clair. Hey, mais je reviens sur Monty Williams avec les Suns. Les Suns, ça va nulle part, hein, de cette organisation-là. Hein. C'est incroyable aussi. Là. C'est comme les Knicks un peu. Là. Mais tout le monde sait que c'est un petit peu la risée de la NBA au niveau, un peu comme les Knicks au niveau de les propriétaires, là, ils savent pas ce qu'ils font. Puis, ils sont allés chercher un russe. Il faut pas savoir quoi faire non plus, aller chercher un russe comme entraîneur-chef. Là. Non, mais Igor Kosovos, il est c'est un très bon entraîneur. Ouais. Mais Monty Williams, il a été joueur longtemps. Il connaît bien la NBA. Il était entraîneur-chef avec la Nouvelle-Orléans. Il a eu des très bonnes saisons. Puis, lui, il a une tragédie dans sa vie. Son épouse est morte dans un accident d'auto. OK. Puis, il avait arrêté d'entraîner, puis il a passé, je pense, 1 ou 2 saisons juste dans avec l'organisation des Spurs de San Antonio. Juste quand tu parles des Spurs, là, il va arriver à Phoenix, puis il va vraiment remettre la pendule à l'heure du côté des Suns pour dire, OK, voici ce que moi, je pense qu'on devrait faire, puis on devrait aller de l'avant. Fait que je pense que c'est un bon choix pour les Suns d'aller chercher un gars comme Monty Williams. Ouais. Mais tu as raison, on n'a pas donné aucune chance à Igor. On l'a engagé, il a fait une saison pour le mettre dehors. Ouais. Bon, ben, on s'en reparle la semaine prochaine, Pascal. Bientôt. Pascal Jobin, une carrière.